Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Et aujourd'hui, direction l'école Georges Sand à Amboise, où le calme habituel a laissé place à la mobilisation en cette matinée du 25 avril. En effet, parents, enfants et élus se sont rassemblés pour protester contre la fermeture annoncée d'une classe. Une décision qui suscite l'incompréhension et l'inquiétude, tant du côté des familles que des représentants de la commune. Nous étions sur place ce matin pour recueillir les réactions, à commencer par celle du maire d'Amboise, Brice Ravier. Monsieur le maire d'Amboise, qu'est-ce qui explique votre présence ce matin devant l'école Georges Sand ? Eh bien, le soutien aux enseignants, le soutien aux parents d'élèves et le soutien aux enfants et à l'ensemble du territoire pour que la classe de l'école maternelle Georges Sand ne ferme pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen lambda amboisien pour soutenir l'école ? Alors déjà être présent, et il y a bon nombre de parents d'élèves qui étaient présents aujourd'hui, et puis effectivement toujours, alors je serais tenté de dire si je faisais une petite boutade, faire plus d'enfants, et ça soutient effectivement les écoles d'Amboise, mais au-delà de la boutade, effectivement il faut lutter, il faut se battre, il faut démontrer aussi que on a tout un travail sur le quartier, un travail de la ville, des agents, un travail d'éducation nationale, et qu'on a besoin d'avoir des enseignants motivés, qualifiés, et surtout d'avoir moins d'effectifs dans les classes, parce que c'est effectivement là le problème. La menace, elle pèse presque chaque année. Toutes les écoles du territoire chaque année, parce qu'il y a des décisions gouvernementales sur le nombre d'enfants dans les classes qui sont peut-être beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'on peut accepter. Et c'est aussi derrière les citoyens de demain qu'on est en train de former. Donc là, à mettre un enseignant devant 25 enfants sur un quartier dit prioritaire, ça me paraît vraiment énorme. C'est des préoccupations que partagent les parents avec vous lors notamment des diagnostics en marchant ? Oui, alors il n'y a pas que le diagnostic en marchant, il y a lors des réunions de quartier et puis il y a lors des rencontres très régulières qu'on a sur le territoire avec l'ensemble des parents d'élèves. Et puis je les rencontre régulièrement également, plutôt le midi, où je rencontre et les enfants et les enseignants et les parents d'élèves, où on parle du territoire, on parle de l'école et on parle des situations de chacun. Et voilà. Et puis il y a aussi les conseils de classe pour lesquels ces sujets-là sont tous abordés, bien sûr. Merci monsieur le maire. Avec plaisir, merci. Madame Lebeau, représentante parents d'élèves du coup au conseil d'école et en même temps membre du bureau de l'APE et accessoirement maman aussi d'une petite qui est en grande section du coup à l'école Georges Sand maternelle. Moi je suis Madame Filiosa, membre du bureau de l'APE et maman d'une petite qui est en moyenne section de l'école maternelle Georges Sand. Très bien. Régine Favia nous a rejoint. Alors Régine, rappelez-nous vos compétences municipales. Alors je suis déléguée à l'éducation et à la jeunesse. Et donc le cas de l'école Georges Sand me préoccupe particulièrement. Mais oui, on s'en doute. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui se passe à cette école et pourquoi on est réunis ce matin devant ? Donc le DSDEN en fait a décidé de procéder à une fermeture de classe au 1er septembre 2025, donc à l'école maternelle Georges Sand. Voilà. C'est la seule école qui était avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Non, c'était pas la seule école, il y avait aussi Rabelais-Richelieu, mais qui eux échappent à cette fermeture, puisque du coup monsieur le maire a été en audience défendre les deux écoles, mais ils avaient beaucoup plus d'élèves à l'instant T quand il y a été, ils avaient plus d'élèves dans les classes, donc entre guillemets plus défendable. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une décision comme ça de fermer une classe ? Une baisse des effectifs au départ, hein, et ça se base sur des prévisions d'effectifs, et les prévisions étaient exceptionnellement basses, et en fait, qui ne se concrétisent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues s'installer sur le secteur Georges Sand, et donc les effectifs ont remonté. Et là, actuellement, dans les classes, ils sont déjà à 100 élèves. 100 élèves pour 5 classes, donc ça fait 20 élèves par classe. Et en début d'année, ils devaient être à 92, 93, donc effectivement, il y a eu une montée dans les effectifs. Donc voilà. Et là, normalement, les prévisions d'effectifs, on en est à 107. Alors effectivement, pour 4 classes, ça ferait quand même pas loin de 27 élèves par classe. Ce qui est énorme, on est d'accord, surtout pour des petits. Mais c'est énorme et c'est très compliqué puisqu'on est sur une école où on est quand même dans un quartier avec un public particulier. On est sur un public majoritairement défavorisé. On a 8 élèves en situation de handicap reconnu. On a des dossiers qui sont en cours pour avoir une reconnaissance de handicap. On a les élèves allophones, les élèves qui viennent notamment d'Ukraine, qui sont scolarisés à Georges Sand, qui n'ont pas de handicap mais qui nécessitent quand même une attention particulière. Et on a tous les enfants qui n'ont pas de de handicap reconnu, mais qui ont quand même besoin de cette attention particulière. Donc à 27 par classe, sur 4 classes, les maîtresses, ce sera juste invivable pour elles. Les ATSEM aussi, ce sera juste invivable pour elles. Et puis pour nos enfants seront perdants, puisqu'ils auront un enseignement beaucoup moins qualitatif. Oui, moi, ce que je vois essentiellement, c'est l'intérêt des enfants. Et c'est sûr qu'avec 27 élèves par classe, on n'accorde pas la même attention aux enfants que quand on n'a que 20. Hein, c'est sûr, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, je maintiens aussi que le gouvernement, justement, dit qu'on a des problèmes. Enfin, nos enfants ont des soucis arrivés en sixième, notamment sur la lecture, etc. Tout commence en petite section. Ça commence dès la petite section, en fait. C'est là où ils commencent à apprendre les lettres, ils commencent à assembler les mots, à assembler les lettres, etc. C'est tout un travail. C'est pas, voilà. Et c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas après et se dire, ah bah oui, mais du coup, nos enfants, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Bah oui, mais il y a peut-être eu un souci à ce moment-là. Et peut-être qu'il y a eu une fermeture de classe à ce moment-là et qui n'aurait pas dû avoir lieu, puisque voilà, en fait, plus ils sont nombreux et moins forcément l'apprentissage est qualitatif. Ouais, parce que quoi qu'on en dise, les effectifs dans une classe, c'est la base quand même. Voilà. Après, on peut enseigner de toute façon, même avec 30 gamins par classe. On peut toujours, hein, mais c'est au détriment des enfants. C'est-à-dire que les plus forts, entre guillemets, les meilleurs réussiront à s'accrocher. Et ceux qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, ou ceux qui ont des difficultés, ou ceux qui tout simplement ne maîtrisent pas la langue française, ben, eux, ils seront laissés sur le carreau. Et ils vont se traîner ces difficultés-là sur le primaire, sur le collège, sur le lycée. Et après, on demande à ces jeunes-là de s'insérer dans la société. Voire même de savoir dès la maternelle ce qu'ils feront plus tard. Oui, parce qu'on leur demande de plus en plus tôt de préparer leur projet professionnel, alors qu'ils arrivent à peine à écrire leur nom et leur prénom. Donc, c'est un peu absurde. Il y a des incohérences réelles. Nos enfants, c'est notre avenir, il faut en prendre soin. Donc là, c'est quoi la suite de ce mouvement de ce matin ? Alors, il y avait une fermeture, elle a été entérinée, c'est-à-dire que pour l'instant, fermeture, il y a. C'est, voilà. Alors, on est en train de faire des démarches, il y a monsieur le maire, qui, vous l'avez eu tout à l'heure, il va rencontrer le DAZN, j'irai avec lui certainement aussi, justement pour plaider la cause. On a reçu l'inspectrice de circonscription pendant les vacances, donc on fait en sorte que ça bouge, et normalement, donc, l'échéance, ça serait... Dans le meilleur des cas, au mois de juin, on espère qu'il n'y aura pas cette fermeture et que la classe sera vraiment maintenue. La décision sera dans le meilleur des cas au mois de juin, dans le pire des cas en septembre. Et dans le pire des cas, il n'y a pas... Mais bon, ça, j'ose pas l'envisager. Parallèlement à ça, Madame Lebeau, justement, a également fait circuler une pétition contre la fermeture de classe où on a récolté plus de 300 signatures. Et il y a également eu une audience où Madame Lebeau et un autre parent de la PE, donc Association des parents d'élèves, ont participé pour essayer de faire entendre la cause de notre école. Mais c'est une audience qui n'a malheureusement pas été fructuante. Donc on avait vraiment besoin du soutien de nos élus locaux qui sont très, très mobilisés et qui étaient très engagés. Voilà. Donc c'est assez aussi rassurant pour nous de savoir qu'on est soutenu et qu'on n'est pas tout seul à porter la défense de notre école, à lutter contre cette fermeture de classe. Et on voit que derrière, on a des élus sur lesquels compter, quoi. Et on les remercie beaucoup. Le message que vous avez envie de faire passer, je pense qu'il est assez clair. Un petit mot de la fin pour nos auditeurs, à qui on va mettre en lien la pétition, s'ils souhaitent justement la signer. Juste au directeur académique de ne pas fermer cette classe, parce que pour nous, en fait, 27 élèves, c'est juste pas possible. À un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte que là, on est dans une situation où vraiment, bah, on met malheureusement l'éducation de nos enfants en péril. Et la santé des personnels également. Donc pour terminer, moi je dirais, on ne lâche rien, on s'accrochera jusqu'au bout. On fera tout ce qu'on peut. On ne lâche rien. C'était les derniers mots du maire avant de s'en aller, donc je les reprends. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Il est hors de question que ça ferme. Eh bien, merci à toutes les trois et bon courage dans ce combat. On espère réellement que cette fermeture n'aura pas lieu. Oui. Nous aussi. Merci à vous. La mobilisation continue et vous l'aurez compris, la pétition lancée par les parents pour tenter de faire reculer la décision circule actuellement. Si vous souhaitez soutenir cette démarche, le lien vers cette pétition sera disponible en même temps que le podcast de cette émission, publié sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. C'est la fin de ce mag, bon week-end à tous et on se retrouve dès lundi sur notre antenne à 18h pour un nouveau mag.